إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. إخوة الإسلام، كلكم يرى الحالة التي آلت إليه أمتنا اليوم، وكلكم يرى هذه الاضطرابات وهذه المظاهرات والاعتصامات وهذه الفتن التي حلت بهذه الأمة. فلننظر إلى هذا كله من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يتبين لنا ما هو العلاج لهذا المرض ولهذا الداء العضال، ولكي يتبين لنا أنه إذا أردنا أن نخرج من هذه الفتن كلها يجب أن نرجع إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. فهنا الله عز وجل tous vous voyez la situation dans laquelle est tombée la communauté musulmane maintenant. Tous vous voyez les perturbations qu'il y a dans le monde musulman maintenant. Hein? Ces manifestations, ces sittings, ces grandes fitnas, hein? Par-ci, par-là. Qu'on regarde, hein? Qu'on jette un regard sur tout ça à travers la sunna du messager alayhi salatu wassalam, pour que nous puissions avoir le remède adéquat à tous ces problèmes et avoir l'issue exacte par laquelle nous devons sortir. Car il est obligatoire pour nous, si nous voulions sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve, que nous devions revenir à la religion sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam wa sahbu al-kiram radiyallahu anhu wa ardahum. Fasma' li rasulika alayhi salatu wassalam الذي لا ينطق عن الهوى وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع له في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وفي حديث آخر: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمة الله عليه. Regarde, frère Allah Azza wa Jal, dans cette partie du hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimallahu al-jami', où il a dit: vous allez suivre les voies de ceux qui sont passés avant vous, hampon par hampon, coudé par coudé, et s'ils rentrent dans le trou d'un varon, vous allez y rentrer. Dans une autre version du hadith chez Imam Tirmidhi rahimahullah, authentifié par Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: arrivera à ma communauté ce qui est arrivé à Banu Israël, hampon par hampon. Et s'il se trouvait dans Banu Israël quelqu'un qui a commis l'inceste avec sa mère, il se trouvait en plein public, il se trouverait dans cette communauté qui le ferait. Fa. أنت تراخى الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لك أن هذه الأمة تابعة لسنن الأمم السابقة ومختفية أثرها، وأنه سيقع فيها ما وقع في الأمم السابقة من الشرك والبدع والمعاصي. فهنا الله عز وجل تيفوا que notre message عليه الصلاة والسلام nous montre et nous éclaire sur le fait que cette communauté va suivre les voies des autres communautés qui sont passées avant elle. Il va les suivre, va suivre leur voie. Et qu'il va arriver à cette communauté ce qui est arrivé aux autres communautés qui sont passées avant elle, que ce soit au niveau de l'associationnisme, au niveau des innovations, au niveau des péchés et ainsi de suite. وبهذه المناسبة نربط هذا الحديث بما يقع في الأمة الإسلامية والعربية. هذه الأيام من ثورات، وهذا ما عين ما وقع في أوروبا منذ قرنين من الزمان حين قامت الثورة الفرنسية. Et à cette occasion, frère en Allah, Azzawajal, qu'on fasse la liaison entre ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam et les événements qui se passent dans le monde musulman et dans le monde arabe. Ces révolutions qu'on voit à travers le monde musulman maintenant. Et c'est la même chose, c'est la chose identique qui s'est passée en Europe quand il y a eu la révolution française. La même chose, identique. فَالْمُتَأَمِّلُ بِعَيْنِ الْبَصِيرَ يجد أن ثورات الشعوب الإسلامية الآن تتفق مع الثورة الفرنسية شبرا بشبر ذراعا بذراع من حيث الأسباب ومن حيث الداعون لهذه الثورات ومن حيث الشعارات التي رفعت في هذه الثورات. Celui qui regarde avec l'œil de la clairvoyance et l'œil de la religion et l'œil de la science bénéfique, voit que ces révolutions qui sont dans les pays maintenant, islamiques, concordent, ils sont identiques à la révolution française, en pont par en pont, coudée par coudée. C'est la même chose. De par les causes qui ont causé cette révolution et ces révolutions, et de par ceux qui appellent à ces révolutions, et de par les emblèmes et les devises et les principes de ces révolutions qui ont été levés ici et là-bas. Fal asbab hiya al faqr wa al dhulm wa al istibdad. Les causes sont la pauvreté, l'injustice et ainsi de suite. Le mal, والذين يقفون وراءها هم أدعياء التنوير والتحرر من الدين وشعارها الدعوة إلى الحرية والإيخاء والمساواة وبعبارة أخرى حكم الشعب بنفسه أو الديمقراطية. شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. من الله عز وجل Les causes, nous avons vu ce que c'est que les causes. Ceux qui sont derrière ces révolutions, ce sont ceux qui prétendent être les prêcheurs de l'illumination, du modernisme, du libéralisme. Les devises qui ont amené à ces révolutions, ce sont l'appel vers la liberté, vers l'égalité, vers la fraternité. Dans d'autres termes, la démocratie ou le fait que le peuple se gouverne lui-même. Ce sont des devises et des emblèmes dont l'apparence c'est la clémence, mais derrière il y a le châtiment et l'énorme châtiment. فالحرية التي يريد هؤلاء تعني لا دينية والتمرد على الأحكام الشرعية وأحكام الله سبحانه وتعالى مما يدل على ذلك ما طلب في مصر من حذف المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن اعتبار الإسلام دينا رسميا للدولة. Et la liberté que demande tout cela, c'est le fait de mettre la religion de côté et de se révolter contre eux, la législation d'Allah. Ce qui le prouve, la demande qui a été émise par certains en Égypte, c'est de supprimer le deuxième point de la constitution égyptienne qui annonce que l'islam, c'est la religion de l'État égyptien. Et on demande de le supprimer. ومما يؤكد أن الدعاة إلى هذه الثورة خذ مثلا 20 فبراير في المغرب هم أنفسهم دعاة إلى الإفطار في نهار رمضان وهم الدعاة إلى الشذوذ الجنسي وهم الدعاة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث أليس هذا تمرد على حكم الله؟ Ce qui te le prouve encore, les prêcheurs de cette révolution, tu prends par exemple la jeunesse du 20 février au Maroc, ce sont eux-mêmes, ces prêcheurs du 20 février, qui demandent que les gens puissent avoir la liberté de rompre, de manger en plein jour du Ramadan dans le rituel des villes marocaines. Et ce sont eux-mêmes qui demandent qu'il y ait la liberté sexuelle, que l'homme puisse sortir avec un autre homme sans aucun problème et que la femme fasse de même. C'est eux-mêmes qui demandent le fait que l'héritage soit à pied d'égalité entre l'homme et la femme. N'est-ce pas une rébellion contre les lois d'Allah ou pas? كذلك الإخاء الذي يريدون يعني ضرب عقيدة الولاء والبراء ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في ساحة التحرير المصرية من تطبيع مع عقيدة التثليث النصرانية والمساواة التي la fraternité qu'ils vont, c'est-à-dire annuler l'une des règles fondamentales de notre croyance qui est l'alliance et le désaveu. Et faire l'alliance entre eux, ce qu'ils appellent l'alliance des trois religions monothéistes. Et rendre la chose normale, la Trinité avec le monothéisme sans aucun problème, et ainsi de suite. المساوات التي يريدون عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث. Et l'égalité qu'ils veulent, c'est le fait de ne pas faire la différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le partage de l'héritage. وأخذ الإسلام فتذكر أن الديمقراطية التي يريدون تعني تحكيم الشعب لا الشرع. وربنا يقول إن الحكم إلا لله. وهم يقولون إن الحكم إلا للشعب. هنا من الله عز وجل الذي ديمقراطية qu'ils veulent. Ça veut dire tout simplement qu'ils veulent que le peuple gouverne et non pas la législation. Alors qu'il est dit dans le verset, le jugement appartient à Allah. Eux, ils disent non, le jugement appartient au peuple. فبنو إسرائيل قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة ودعاة الثورة اليوم يقولون مقلدين للغرب يقولون نريد أن نكون مشرعين كما يشرعون ونحن نقول الله أكبر إنها السنن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل بنو إسرائيل ont dit à موسى عليه الصلاة والسلام fais-nous une divinité comme ils ont une divinité Les prêcheurs de la révolution aujourd'hui disent nous voulons légiférer comme les occidentaux légifèrent nous voulons avoir le droit de légiférer des lois comme ils le font en Occident et nous on dit Allahu Akbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a des vrais vous allez suivre la voie de ceux qui sont passés avant vous en pont par en pont et qu'il était et qu'il est le véridique qui n'a dit que la vérité ce qui prouve la véracité de ce messager alayhi salam et ce qui prouve la véracité de son message alayhi salam wallahu azza wa jalla yaqul la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim كيف نفعل لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم او حتى يغير الاحكام الاحكام احكام الله Et il est dit dans le verset, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Est-ce qu'il a dit jusqu'à changer les lois et les j'ai ferai des lois d'autres que les lois divines. Et ben, jusqu'à ce qu'on change, nous. Nous, nous devons changer. فنقول لهؤلاء الثوار لماذا هذا الذي يعبد غير الله لا يثور على ما يعبد والمبتدع لماذا لا يثور على بدعته ويرجع إلى السنة والعصاة لماذا لا يثورون على معصيتهم لله ويرجعون إلى طاعة الله هنا الله عز وجل يوم دي أكل سلا ceux qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi vous ne vous révoltez pas contre ce que vous adorez en dehors d'Allah et vous revenez à l'adoration exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dieu est l'innovateur, pourquoi tu ne te révoltes pas contre ton innovation et tu reviens à la sunnah de ton prophète alayhi salatu wasalam? Et au désobéissant et celui qui est dans les péchés capitaux, pourquoi tu ne te révoltes pas contre tes péchés et tu reviens à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? La buddhanana بإصلاح أنفسنا أخ الإسلام لأننا نحن الذين نكون المجتمعات فإذا صلح كل فرد منا صلح المجتمع Il est obligatoire pour nous de se reformer chacun de nous en commençant par soi-même car ce sommes nous les individus qui composent les sociétés et si chacun de nous change il change ceux qui sont sous sa tutelle La situation va aller vers mieux et la société va changer après l'islam. C'est pas en changeant un homme ou un gouverneur que tu vas arriver à remédier au problème. Là, là, tu peux changer les hommes, peu importe. Aujourd'hui, c'est celui-là qui gouverne l'autre et l'autre, mais ça ne changera rien. Tant qu'on ne fait pas une réforme à la base et qu'on ne revient pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Qu'on ne donne pas, qu'on ne vend pas notre raison à vil prix. فكيف يكون الإصلاح الصحيح خلال الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإصلاح جعل له عنوانا فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي عندما تكلم عن الفرق وعن الاختلافات التي ستقع بعده قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي الطريق الذي عليه أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والصحابة هو الطريق الذي يمكن أن يصلحنا وأن يقودنا إلى النجاة وصدق إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك حيث قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فمن بعد صلح أول هذه الأمة أخ الإسلام هنا الله عز وجل comment doit être la réforme maintenant c'est quoi la réforme authentique Sache, frère en Allah, Azzawajal, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne t'a pas laissé la peine de souffrir pour chercher la réforme comment il doit être. Il te l'a montré. Quand il a parlé des divergences, des problèmes qu'il va y avoir et des groupes, etc., qu'est-ce qu'il a dit? La voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, mes nobles compagnons. Et ne cherche pas ailleurs. Cherche cette voie-là pour arriver à la réforme, à l'islam et au changement total. Et c'est ce qui a poussé l'imam Malik rahimahullah ta'ala de dire ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Donc tu dois chercher qu'est-ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Qu'est-ce qui a fait le bien durant la vie d'Abu Bakr, la khilafa d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali et des autres compagnons et de leurs successeurs qui les ont suivis à la perfection. C'est là le remède à l'islam. C'est là, cette communauté est conditionnée par quelque chose qui s'appelle le suivi aveugle de Muhammad alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. C'est la religion d'Allah. هذه الأمة مقيدة بالاتباع الأعمى لمحمد صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وإلا لا عزة ولا فخر ولا شرف أبدا لن يكون الشرف لنا إلا إذا رجعنا إلى ما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله عليه أبدا سنو أخ الإسلام si on ne prend pas ce chemin de ses nobles compagnons, radiallahu anhum, et on va à droite et à gauche, il n'y a ni honneur, ni suprématie. La gloire, la suprématie, la force, il est dans le fait de prendre le chemin. On est une communauté qui est conditionnée. Tu ne peux pas faire autrement. Ta liberté à l'islam, il est dans le fait de suivre Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons, radiallahu anhum. Et pour ce faire, il faut bien que tu connaisses les hommes de cette voie. Et alors, tête les khalifs bien guidés. D'où la nécessité de ces leçons sur la vie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali et des autres nobles compagnons. Et nous sommes dans notre troisième cours sur la biographie du deuxième khalif de cette communauté. Et c'est ce que nous devons faire, frères de l'islam. أن نقرأ بعين البصيرة وعين الذي يريد أن أن أن أن أن أن أن أن يتبع الحق سيرة صحابة رسول الله لكي نقتفي أثرهم لكي نسير بأمتنا إلى العز وإلى الشرف. Parce que pour contribuer au fait d'amener la communauté à son honneur et à sa suprématie, il faut imiter ses nobles compagnons de Allah. Et pour les imiter, il faut les connaître. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو بن الخطاب عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي عمر بن الخطاب يسابل de son prénom عمر son père الخطاب son grand-père نفيل et son arrière-grand-père Abdul Uzza ibn Uday ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib le Quraishi et le Adawi. Wa yajtami'u nasab Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu warḍah ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib. Et l'arbre généalogique de Umar ibn al-Khattab va s'unir avec l'arbre généalogique de Mohammed alayhi salatu salam à Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib. Wa Amr ibn Khattab kunyatuhu Aba Hafs. Et la kunya de Omar ibn Khattab c'est Aba Hafs. Wa luqiba bil Farouq. لأنه أظهر الإسلام بمكة ففرق الله به بين الكفر والإيمان. Il a été appelé le Farouq, celui qui fait la séparation. Pourquoi on l'a appelé celui qui fait la séparation? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître l'islam en public par la conversion de Omar ibn Khattab. Allah subhanahu wa ta'ala a fait la séparation entre la mécréance et l'islam par la conversion de Omar ibn Khattab. يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. عبد الله بن عباس كما يلبسي avec nous hier dit le premier qui a dit haut et fort qu'il était musulman et qui a déclaré son islam c'est عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولد الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ورزقنا الله حبه ورفقته في الجنة إن شاء الله. ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة. إيه عمر بن الخطاب الله سبحانه وتعالى ندون لموغ دو عمر بن الخطاب et des autres compagnons رضوان الله عليهم et fasse que nous les suivions sur leur chemin et que nous mourions sur leur chemin et que nous les imitions jusqu'à la fin de notre vie. Est né 13 ans après l'année de l'éléphant. Ça veut dire qu'il a 13 ans de moins que le prophète alayhi salatu salam. Amma sifatuhu al-khalqiyya radiyallahu anhu wa ardaah fa kana abyad am'aq ta'lu al-humra hasan al-khaddain wal-anf wal-aynain ghalid al-qadamain wal-kaffain majdul al-lahm wa kana tawilan jasiman asla' وكان قويا شديدا وكان رضي الله عنه يخضب بالحناء أي يسبغ الشعر دياله بالحناء وكان طويل السبلة وهو هذا الطرف من الشارب وكان كثيرا ما يديرها هكذا وفي المجلس رضي الله عنه وارضاه. وكان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع رضي الله عنه وارضاه. Quant à sa description physique, il était blanc, mais pas d'un blanc complet, mais d'un blanc qui est imbibé de rouge. Et il avait des belles joues, des beaux yeux, et il avait des pieds qui étaient très forts et très grosses. Les mains aussi étaient fortes et grosses. Hein? Et il était très grand et très fort. Et il se teignait avec le henna, sa tête et ses cheveux et sa barbe. Ça fait partie de la sunna quand tu as du blanc. Hein? Dieu, que tu teignes la barbe, la tête avec le henna. Ou le henna mélangé aux affrons, etc. Mais tu n'utilises pas le noir. Parce que là, tu deviens traître. Tu trahis les gens, tu te donnes un air de jeunesse. Hein? Et il avait les bouts de la moustache ici qui étaient longs, en bas de la moustache, vers en bas de, vers le côté de, les côtés de la bouche étaient longs. Et des fois, dans l'assise, il les tournait. C'est ce qu'on appelle soubla Ali, il l'a tourné. Radiallahu anhu wa arda. Cela ne veut pas dire qu'il a vu du grosse moustache à Bédan. Mais juste ce côté-là qui descend à l'islam, va pas, hein? Et quand il marche, il va très vite. Quand il parle, il se fait entendre. Quand il frappe, il fait mal. Pour ça, il avait une sunna, radiallahu anhu wa arda, que pour aligner le rang, parce que le fait d'aligner le rang sort la communauté de la divergence. Et que lui, quand les gens n'alignent pas les rangs, il écrase leurs pieds. Voilà. Bilal, il frappe sur les pieds. Omar ibn al-Khattab, il les écrase. Radiallahu anhu wa arda. Pourquoi ? Pour la religion d'Allah, pour la faire triompher, pour que les gens puissent revivre, fassent vivre la sunna du prophète. Mais sinon, il était clément. Hein? Il avait la force, la fermeté, mais il était clément pour la communauté. Radiallahu anhu wa arda. Subhana man khalaqa Omar. Khtarahu Allah subhanahu wa ta'ala li nusrati nabiyyi wa li nusrati dinih. Gloire à celui, à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé Omar. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour faire triompher sa religion, faire triompher son messager alayhi salatu wassalam. Amda Omar ibn al-Khattab fil jahiliyati shatran min hayatih wa nasha'a kamtali min abna'i Quraysh yahtarimuna al-'adat wa imtaza 'alayhim bi annahu kana mimman ta'allamu al-qira'a وقد حمل المسؤولية وهو صغير رضي الله عنه وارضاه ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان طرف ولا مظاهر ثروة ودفعه أبوه الخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبله وتركت هذه المعاملة القاسية من أبيه أثرا سيئا في نفس عمر رضي الله عنه وارضاه فظل يذكرها طيلة حياته قبل الإسلام وبعد الإسلام. Une partie de la vie d'Omar ibn al-Khattab pendant la période pré-islamique, une partie de la vie d'Omar ibn al-Khattab, il l'a passé dans une période pré-islamique. Et il a grandi comme les autres jeunes de Quraysh, qui respectaient les habitudes et les coutumes de leur tribu. Mais il avait une particularité par rapport à certains, c'est qu'il avait appris à lire et à écrire. Radiallahu anhu wa arda. Et il a pris la responsabilité en étant très jeune. Mais il a été élevé. Il n'a pas été élevé dans le confort. Il n'a pas été chuchoté par ses parents. Surtout par Al-Khattab, son père. Il n'a pas été chuchoté. Abedan. Et son père l'a poussé très jeune vers les bergers et vers le fait d'aller. Hein, s'occuper des troupeaux de dromadaires à l'extérieur de la Mecque. Et c'est la façon dure que son père avait avec lui a eu un impact sur la personnalité de Omar ibn al-Khattab. Et cet impact se voyait durant la période pré-islamique de Omar ibn al-Khattab et aussi durant sa période où il s'est converti à l'islam رضي الله عنه وارضاه. يقول عبد الرحمن بن حاطب: كنت مع عمر بن الخطاب بدجنان جبل على مسافة 25 كيلومتر من مكة، فقال أي عمر، قال عمر: كنت أرعى للخطاب بهذا المكان فكان فظا غليظا، فكنت أرعى أحيانا وأحتطب أحيانا. أخرجه ابن عساكر في تاريخه رحمه الله تعالى. عبد الرحمن بن حاطب دون يجيغ جيتافك عمر بن الخطاب أبدجان qui est une montagne qui se trouve à 25 km de la Mecque. Et Omar ibn al-Khattab a dit à Abdurrahman ibn Hatib: j'étais le berger de l'Hattab, c'est-à-dire de son père, à cet endroit-là, et mon père était dur et sévère avec moi. Des fois, je m'occupais du troupeau, et d'autres fois, je m'occupais à ramasser le bois. Ceci est rapporté dans l'histoire d'Ibn Asakir, rahimahullah ta'ala. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وغفر له: حج عمر فلما كان ببدجان قال: لا إله إلا الله العظيم المعطي ما شاء لمن يشاء، كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي في مزرعة صوف، وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، وقد أمسيت أميرا للمؤمنين ليس بيني وبين الله أحد. ابن المسيب رحمه الله تعالى وغفر له de nous dire: عمر بن الخطاب a fait son pèlerinage. Quand il arrivait à la montagne de Badjan, il a dit: لا إله إلا الله العلي العظيم. Qui donne à qui il veut, ce qu'il veut et quand il veut. À cet endroit-là, je m'occupais du troupeau de dromadaire de l'Khattab, et j'étais habillé par une tunique de laine, quelque chose de dur, sévère, hein? Et il était dur avec moi, et il me fatiguait dans le travail, il me demandait beaucoup de choses, et il me frappait quand j'ai pas fait le travail ou quand j'étais négligent. Et maintenant je suis le prince des croyants, et entre moi et Allah, personne. ثم تمثل هذا البيت لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغني عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها تريد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. Et après il a cité ses poèmes que cite Ibn Asakir rahimahullah ta'ala, il dit: rien, la beauté de aucune chose ne restera belle, ne restera rien, il restera qu'Allah Azza wa Jal, né la fortune, né les enfants. À quoi ça sert à Hormuz sa fortune, l'un des empereurs romains? Et Ad, le peuple de Ad a voulu avoir l'éternité, mais ils ne l'ont pas eu. Et Sulaiman, pour lui, Allah a mis à son service le vent et les humains ainsi que le génie, hein? Mais il n'a pas eu non plus l'éternité. Où sont les rois qui avaient la force, hein? Et que on leur ramenait tout de partout, et les délégations viennent les voir de partout. Et il y a un bassin que tout le monde va s'abreuver de ce bassin, sans mensonge, tout le monde y ira. Et on va s'abreuver de ce bassin comme ils l'ont fait ceux avant nous, c'est-à-dire la mort. وامتاز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية قبل الإسلام بما يلي. Et Omar ibn al-Khattab, pendant la période pré-islamique, il avait des particularités. Il y avait des choses qui faisaient sa particularité. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كان أي عمر من أشرف قريش وإليه السفارة كانت في الجاهلية وذلك أن قريشا كانت إذا وقع بينهم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا. Et la première des particularités qu'avait Omar ibn Khattab, comme le cite l'imam Babi, rahimahullah ta'ala, il dit qu'Omar ibn Khattab était parmi les nobles de Quraysh. Et il était l'ambassadeur de Quraysh à l'époque, pendant la période pré-islamique. Contre Quraysh, il y a une guerre entre eux et d'autres tribus, ils l'ont envoyé comme ambassadeur. Et quand ils ont un litige avec d'autres, c'est lui qu'ils envoient qu'il s'agisse, et qu'ils envoient comme ambassadeur. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب عمر كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا أو نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا ومفاخرا ورضوا به رضي الله عنه وارضاه. ابن الجوزي dans le livre qu'il a écrit concernant les vertus et la place de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه وارضاه, il a dit que l'ambassadeur, à cette époque, l'ambassade était à Omar ibn al-Khattab. Quand il y a une guerre entre Quraysh et d'autres, ils l'envoient comme ambassadeur. Et quand des tribus demandent la guerre à Quraysh, c'est lui qui va en premier. Et quand une tribu s'enorgueille devant Quraysh, c'est lui qu'ils envoient pour s'enorgueiller pour Quraysh. Et il l'a gréé, radiyallahu anhu wa ardah. وكان عمر بن الخطاب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم إيذاء وتعذيبا للمسلمين في مكة قبل إسلامه رضي الله عنه وارضاه حتى يأس بعض المسلمين من إسلامه لما رأى من غلظته وقسوة قلبه وقال لن يسلم هذا حتى يسلم حمار الخطاب. كان شديدا. Omar ibn al-Khattab était dur. Il était très sévère. Il avait beaucoup de haine pendant sa période islamique contre le messager d'Allah et contre ceux qui se convertissaient. Et il les châtiait, il leur fait subir beaucoup à la Mecque avant qu'ils se convertissent à l'islam, radiyallahu anhu arda. Jusqu'à tel point que certains ont désespéré de l'islam de Omar ibn al-Khattab. Parce qu'ils voyaient la sévérité avec laquelle ils les traitaient, ils ont désespéré. Ils disent, celui-là, il va se convertir quand l'âme de l'Khattab se convertira. Ils disent, l'âme, il va se convertir. Ça veut dire qu'ils sont arrivés au point où ils désespéraient de l'islam de Omar ibn al-Khattab. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ouvre les cœurs. Et c'est lui qui change tout. تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عاملنا زوجها في بعض حاجتنا إذا اقبل عمر فوقف علي وهو على شركه تقول رضي الله عنها وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا قالت فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا قالت فقال أي عمر صحبكم الله تقول رضي الله عنها ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا قالت فجاء عامر أي زوجها من حاجتنا فجاء عامر من حاجتنا فقلت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال أي زوجها أطمعت في إسلامه قالت قلت نعم قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. إيه Umm Abdillah bint Abi Hatma dit, par Allah, nous avons pris notre pactage pour émigrer, la première émigration vers l'Éthiopie et Al-Habasha. Amir, son mari, est parti pour chercher d'autres choses. Tout d'un coup, à l'extérieur de la Mecque, Omar ibn al-Khattab la rencontre. Il s'arrête devant lui, il était encore associateur. et lui dit, et la femme de dire, il nous faisait subir beaucoup, Omar ibn al-Khattab, il était dur avec nous, il nous faisait subir beaucoup de choses. Et la femme a dit que Omar ibn al-Khattab lui a dit, c'est le départ, Umm Abdillah, mais il lui a dit avec une voix douce, une douceur qui n'était pas connue de Omar ibn al-Khattab. Hein? Et la femme lui a dit, oui, par Allah, nous allons sortir sur la terre d'Allah Azza wa Jal parce que vous nous avez fait trop de mal. Hein? Vous nous avez écrasés, vous êtes injustes avec nous, nous allons sortir jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse nous donner une issue. Et la femme a dit qu'Omar ibn al-Khattab lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Et la femme, Umm Abdillah, a dû dire, et j'ai vu la douceur d'Omar ibn al-Khattab à ce moment-là. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Et il est parti, alors, et il avait la tristesse de nous voir quitter la Mecque. Quand son mari Amr est revenu, il lui a dit, Abba Abdillah, si tu avais vu la douceur, comment il était Omar ibn al-Khattab, on me parlait tout à l'heure, et comment il était triste de nous voir partir. Son mari lui a dit, hein, tu espères qu'il, hein, qu'il se convertisse? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, hein, celui que tu as vu, il se convertira quand l'un d'eux, l'Khattab, se convertira. Tellement que il était dur à cette époque que Ada Amir il a dit ça. تقول أم عبد الله قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. Elle dit que son mari a dit ceci parce qu'il désespérait de l'islam de Omar ibn al-Khattab parce qu'il était dur avec les musulmans, avec les nouveaux convertis. Et ceci dans les vertus des compagnons de Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Et la chaîne de transmission de ce hadith, il est bonne. ويقول سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى سعيد بن زيد qui était le fils de l'oncle, donc le cousin de Omar ibn al-Khattab et le mari de la sœur à Omar ibn al-Khattab, Fatima bint al-Khattab. Il dit, par comme il est rapporté par l'imam Bukhari, il dit, par Allah, j'étais enchaîné par le fait d'être converti à l'islam, Omar ibn al-Khattab m'a enchaîné. هكذا ربط عمر سعيدا رضي الله عنه ابن عمه وزوج أخته بسبب إسلامه ليصده عن دينه. Ainsi Omar a fait avec son cousin et le mari de sa sœur pour le détourner de l'islam. ولكن عندما انشرح قلب عمر للإسلام عندما شرح الله سبحانه وتعالى قلبه للإسلام لان للمسلمين بكنت عمر بن الخطاب سيكونفيرتي الإسلام كنت الله سبحانه وتعالى أوفر سون كور بور الإسلام il était devenu autre chose, le plus doux, le plus clément et le grand défenseur des musulmans et des faibles musulmans à la Mecque. رضي الله عنه وارضاه والله على كل شيء قدير يحيي الأرض بعد موتها ويقلب القلوب كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى capable de tout. Il fait revivre la terre qui est morte. Il tourne les cœurs comme il veut. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Et celui que Allah سبحانه وتعالى veut guider, il ouvre son cœur à l'islam. وقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء قام ومن أشاء أزاغ. وهذا حديث في صحيح الجامع وصححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه على تعليقه على الترمذي على سنن الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté chez l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, nous dire que les cœurs de la descendance d'Adam sont entre les mains, les doigts, entre deux doigts du clément, Azza wa Jal, parmi les doigts du clément, Azza wa Jal, comme un seul cœur, il les tourne comme il veut, il les oriente comme il veut. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentifié par Cheikh Nasser Cheikh Tirmidhi, il dit « Om Salama, il n'y a pas un être humain, un descendant d'Adam, tous les êtres humains, ça veut dire tous les êtres humains, leurs cœurs sont entre deux doigts d'Allah Azza wa Jal. Celui qui veut, il accomplit, celui qui veut, il le divise. » Hein? وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر عن ابن عمر قال رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب يقول ابن عمر فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فعمر يحبه الله فلذا وجب على المسلمين أن يحبه ويحبه رسول الله ولذا وجب علينا أن نحبه فعندما سئل عمرو بن العاص يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الرجال إليه قال أبو بكر قال ثم من قال عمر فالله يحب عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عمر ونحن كذلك يجب أن نحب عمر فالذي يبغض عمر زنديق رافضي خبيث والبغض أولى به وبغيره الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء عمر بن الخطاب بن عمر بن غبوغثي والسحاديث تونتيك والرسول صلى الله عليه وسلم والله honore l'islam et renforce l'islam avec l'homme que tu aimes le plus parmi ces deux hommes là c'est-à-dire Abi Jahl et Omar bin Khattab. Mais celui qui était le plus aimé min Allah Azza wa Jal, c'était Omar bin Khattab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'islam avec la conversion de Omar bin Khattab radiallahu anhu wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala exauce son dua, le dua du messager alayhi salatu wassalam. Dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime Omar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aime Omar aussi. Dans le hadith qui est passé avec nous, Amr ibn al-As, il dit: j'ai posé la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme que tu aimes le plus? Il a dit Abu Bakr. Et puis, il a dit Omar. Allah, il aime Abu Bakr. Et il aime Omar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aime Abu Bakr et aime Omar. Donc nous devons les aimer. Et celui qui les déteste, c'est un impur, c'est un hypocrite, c'est un zindir, c'est un rafidi. Et c'est lui qu'il faut détester. C'est lui qui mérite qu'on le déteste. Ceux-là, ce sont les nobles compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour faire triompher cette religion et pour faire triompher le messager d'Allah Azza wa Jal. On doit les aimer, le fait de les aimer fait partie de notre religion, fait partie de l'islam, fait partie de la foi, fait partie de la bienfaisance. Omar ibn al-Khattab ta'attara bi sama'ihi lil-Qur'an. تأثر بسماعه للقرآن من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون كذلك والقرآن الكريم له تأثير بليغ في قلوب الخلق ولذلك كان إذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين في أمر الإسلام قرأ عليه القرآن فقط ولقد كان للقرآن تأثير كبير في اجتداب عمر بن الخطاب إلى صف المسلمين لأن عمر كان يقرأ وكان يكتب كان يتذوق الكلام البليغ ويعجب به رضي الله عنه وارضاه قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري الباعث لعمر على دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب. Le fait d'avoir écouté le Coran a eu un grand impact pour lui. Il a entendu le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a entendu de la bouche de certains musulmans, certains premiers musulmans avant lui. Et là, le Coran a eu un impact pour lui. Ça ne peut pas être autrement. Le Coran a une grande influence sur les êtres humains. C'est pour ça, quand le messager d'Allah, Azza wa Jal, quelqu'un vient le voir pour l'islam, pour parler avec lui de l'islam, il lui récite tout simplement le Coran. Le Coran avait un grand impact pour attirer Omar ibn al-Khattab vers l'islam parce qu'il écrivait, il comprenait et les paroles fortes et les expressions fortes, la tani, il les aimait beaucoup. Hein? Et donc, il a dit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, ce qui a poussé Omar ibn al-Khattab à se convertir, c'est le fait d'avoir écouté le Coran de sa sœur Fatima, radiallahu anhu wa arda. وكيف كان أثر دخول عمر إلى الإسلام على المسلمين المستضعفين في مكة كان أثرا عظيما عليهم. Et comment ça a été maintenant, une fois que Omar ibn al-Khattab s'est converti, comment ça a été l'impact de la conversion d'Omar ibn al-Khattab sur les faibles musulmans qui étaient à la Mecque? Sa conversion a été d'un grand impact. لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه زاد المسلمون عزة إلى عزتهم وقوة إلى قوتهم. Quand عمر بن الخطاب s'est converti, les musulmans se sont renforcés. La force qu'il a, la petite force qu'il a, qu'ils avaient, il y a une autre force qui s'est rajoutée à leur force. يقول ابن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala nous dit notre force ne cessait d'augmenter depuis que Omar s'est converti radiallahu anhu wa arda. كيف لا يكون كذلك وهو الذي اعتز بالإسلام هو الذي كان يقول رضي الله عنه وارضاه كنا نحن قوم كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام فإن نحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. Et ça ne peut pas être autrement, frère en Allah, parce que Omar ibn al-Khattab était fier de l'islam. Et c'est lui qui disait, nous étions des gens au plus bas degré de l'échelle, nous étions très mauvais, très bas, au plus bas degré. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, nous a élevés avec l'islam. Et si on cherche l'honneur et l'élévation dans autre chose que l'islam, Allah il nous rabaisse. Et à l'époque où nous sommes maintenant, nous devons avoir cette phrase de Omar ibn al-Khattab devant nous. Nous voulons la gloire, la suprématie, le changement. Il faut être fier de son islam. Il faut être fier de son islam, mais de l'islam sur lequel était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhu. وقال أيضا ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. Ibn Mas'ud de nous dire que quand ils se sont avant la conversion de Omar ibn al-Khattab, ils ne pouvaient pas prier à la Mecque, à côté de la maison d'Allah Azza wa Jal, à côté de la Kaaba. Quand Omar ibn al-Khattab s'est converti, il les a combattus, il leur a fait front jusqu'à ce que les musulmans ont eu le droit et ont pu prier à côté de la Kaaba, à côté de la maison d'Allah Azza wa Jal. وقال رضي الله عنه وارضاه إن إسلامه كان نصرا أي كان نصرا لهذا الدين كان نصرا للإسلام وهو كما هو ما جاء في دعاء رسول الله اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين بأحب الرجلين إليك فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. Et il disait, radiyallahu anhu wa arda, Abdullah ibn Mas'ud, que l'islam de Omar ibn al-Khattab était un triomphe pour qui? Pour la religion. Et c'est l'exauce du dua du messager, alayhi salatu wa sallam. Oh Allah, renforce l'islam avec la conversion de Omar. Et il dit, Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda, l'Omar, عندما طعن Omar, فلما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه. ها إيه عبد الله بن عباس كنت نابوني أغذي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كنت لجوغ أستخيان ها أبي لؤلؤة الله سبحانه وتعالى لشتكم كل مغيت pour lequel le pays de Rafida a construit un sanctuaire. Quand il a été poignardé, Ibn Abbas lui a dit, quand tu étais converti à l'islam, ton islam a été une force et un honneur. Ta conversion était un honneur et une force. Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître l'islam en public avec ta conversion, ainsi que son messager et ses compagnons. Wa kayfa kana atharu islam Umar 'ala al-mushrikeen bi Makkah. Et comment ça a été l'impact de la conversion d'Omar ibn Khattab sur les associateurs de la Mecque. فاستمع لابن عمر يحكي لك كيف كان ذلك وهو شاهد عيان يخبرنا برد فعل قريش حين أسلم عمر. Maintenant écoute maintenant Abdullah ibn Omar رضي الله عنه وارضاه qui était un témoin oculaire qui va t'annoncer la réplique et comment ont réagi Quraysh au moment où Omar ibn Khattab s'est converti à l'islam. يقول ابن عمر رضي الله عنه لما أسلم أبي عمر قال أي قريش أنقل للحديث فقيل له جميل بن معمر الجمحي قال فغدا إليه قال ابن عمر فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد قال أي ابن عمر فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه وأتبعه عمر وأتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر قد صبع ويقول عمر من خلفه كذبا ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح أي أعيأ فقعد رضي الله عنه وارضاه. Abdullah ibn Omar de nous dire quand mon père Omar s'est converti, il a dit qui est le rapporteur, qui est le colporteur de Quraysh, celui qui rapporte, qui propage très vite les nouvelles. On lui a dit Jamil ibn Mu'ammar al-Jumahi. Il a été le voir. Le soleil n'est pas encore levé, très tôt le matin. Et il lui a dit Ibn Omar de nous dit et moi, mon père est parti avant le lever du jour, et je suis parti derrière, le suivre. Et j'étais un jeune garçon, mais je capte tout ce que je vois. Et il est arrivé vers Jamil ibn Ma'mal, le Jumahi. Il lui a dit, tu ne sais pas que je me suis converti à l'islam, et je suis rentré dans la religion de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar a dit, par Allah, j'ai vu le bonhomme, il s'est levé tout de suite. Il a pris, il a tiré son vêtement en haut et il a commencé à courir. Et Omar ibn Khattab l'a suivi derrière. Et moi je le suis derrière. Je suis mon père derrière. Jusqu'à arriver à la mosquée et il a crié avec sa haute voix. Oh Quraysh! Et Quraysh, ils étaient tous éparpillés dans leur club autour de la Kaaba. Omar a changé de religion. Ça va à Omar. Et Omar ibn Khattab de lui dire non, il a menti, je me suis converti à l'islam. Non, il a menti, je me suis converti à l'islam et j'ai attesté qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Et ils se sont levés tous contre Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda. Et ils ont commencé à le taper, lui à taper jusqu'à ce que le soleil se lève. Et à ce moment-là, Omar ibn Khattab s'est fatigué, il s'est assis par terre. وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فاحلفوا بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا عز وقوة وشدة في دين الله عز وجل. Et ils sont restés sur sa tête à frapper, à faire. Il leur a dit faites ce que vous voulez. Et il a fait le serment par Allah, il a dit, si nous étions 300, soit vous allez la quitter, soit on la quitte. Si nous étions tout simplement 300, nous allons vous combattre. Soit vous nous exterminez, vous nous sortez de là, soit vous, vous allez quitter ici. Ainsi il était. Radiallahu anhu. Fermeté, force dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن عمر فبينما هم على ذلك إذا اقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم قالوا صبأ عمر فقال فما رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا خلوا عن الرجل. Et ils étaient à le combattre et à le frapper. Tout d'un coup, Ibn Omar de dire, ils nous hésitaient ainsi. Tout d'un coup, un vieil homme est arrivé, habillé, hein, convenablement, etc., des beaux vêtements. Et il est arrivé, il leur a dit, c'est quoi votre situation? Qu'est-ce que vous faites? Ils lui ont dit, Omar s'est converti à la religion de Mohammed. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Un homme a choisi quelque chose pour lui. Laissez-le tranquille. Est-ce que vous croyez que Bani Udayy, Ibn Ka'b, si vous le tuez, ils vont vous laisser comme ça? Est-ce que vous croyez que ça va passer comme ça, si vous le tuez? Bani Udayy, Ibn Ka'b, ils vont pas. Hein? Ils vont se venger pour le sang de Omar. Laissez-le tranquille. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشطا عنه وقد عرف ابن عمر فيما بعد من أبي أن الذي أجاره هو العاص بن وائل السهمي. Et Abdullah ibn Omar dit par Allah, c'est comme si c'est un tissu qui s'est levé de ces Omar. C'est-à-dire, ils se sont, quand ils ont entendu la parole de cet homme, ils se sont éparpillés tous. Ils sont partis chacun d'eux à son endroit. Parce qu'ils savent que du côté d'Omar ibn Khattab, il y a la force. Et après Omar, Abdullah ibn Omar a su qui était l'homme qu'il a pris sous sa protection, c'est l'As ibn Wa'il Suhami. كان رد فعل قريش عنيفا أمام حادثة إسلام عمر حتى سال بهم الوادي يريدون قتله لولا إجارة العاصلة. La réaction de Quraysh était sévère. Ils voulaient l'assassiner par n'importe quel moyen, par tous les moyens. Quand ils sortaient à la chasse, ils essayaient, mais ils pouvaient pas parce que l'As ibn Wa'il l'a pris sous sa protection. عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا جاءه العاص بن وائل سهمي أبو عمرو وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال ما بالك؟ قال عمر زعم قومك أنهم سيقتلوني أن أسلمت أي لأجل إسلامي. قال لا سبيل إليك. قال عمر بعد أن قالها أمنت فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال لا سبيل إليه. فكر الناس أي رجعوا. Et Abdullah ibn Omar me dit, alors qu'Omar ibn Khattab s'est retrouvé chez lui ayant peur à un certain moment donné. Et tout d'un coup, l'As ibn Wa'il Suhami est venu le voir. Hein? Il fait partie du Banu Sahm. Ils étaient les alliés de la famille d'Ibn al-Khattab pendant la période pré-islamique. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as, Omar? Omar lui a dit, ton peuple prétend qu'ils veulent me tuer à cause de l'islam, parce que je me suis converti à l'islam. Il lui a dit, ils ne pourront pas, ils ne le feront pas, ils n'ont, ils pourront pas. Il n'y a aucun chemin qui va les amener vers toi. Et Omar ibn Khattab a dit, après quand j'ai entendu cette parole, j'ai pris confiance. Et l'homme, dit Amr ibn al-As, l'As ibn Wa'il Suhami, est sorti de chez Omar ibn Khattab, et il a rencontré Quraysh à travers la rue. Il dit, vous allez, nous allons tuer. Il ne pouvait pas. Et il les a repoussés. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, il lui prépare ses causes. Ils sont retournés. Et le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. ولم يكتفي عمر بذلك بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم فلما تكاتروا عليه خلصه رجل فقلت لعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين قال ذاك العاص بن وائل السهمي. إيه Omar ibn Khattab, ça lui est pas suffi qu'on le laisse tranquille. Que Quraysh le laisse tranquille. Il est allé voir le prophète, il lui a dit, oh messager d'Allah, tout endroit où j'étais assis auparavant, n'importe quel droit dans lequel je me suis assis, dans lequel je faisais apparaître la mécréance, je vais aller à cet endroit-là et je vais déclarer à cet endroit-là mon islam. Et il est allé directement à la mosquée, hein, à la Kaaba. Et là, il y a toutes les familles de Quraysh autour de la Kaaba qui sont constituées en groupe, en cercle. Et il a commencé à déclarer son islam. J'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont révoltés contre lui. Ils se sont levés encore une fois contre lui. Ils ont commencé à le frapper, lui à les frapper aussi. Et tout d'un coup, un homme l'a libéré. Et Abdullah ibn Omar de dire à son père, qui c'est l'homme qui t'a libéré? Il dit, ça c'est l'As ibn Wa'il Suhami qui m'a libéré. Hein? Omar ibn Khattab yuhajir bidinihi min ayn? Min Makkah ila al-Madina. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه أول من قدم علينا إلى المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرؤون الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الله عمر بن الخطاب في partie des مهاجرون. Et donc comme le rapporte l'Imam Bukhari le hadith de Barra ibn Azib, les premiers qui sont arrivés à Médine, Mas'ab ibn Umair ibn Ummi Maktoum, ils faisaient lire le Coran et apprendre le Coran et les principes qu'ils ont appris du prophète alayhi salatu wasalam de l'islam. Et après est arrivé Mus'ab ibn Umair ibn Ummi Maktoum et ibn Ummi Maktoum, il est arrivé aussi Bilal, et après Bilal et Saad et Ammar ibn Yasir, et après est arrivé Omar ibn Khattab avec 20 personnes avec lui, et après ça est arrivé le messager d'Allah Azza wa Jal dans Amidine. Et le rapporteur du hadith l'a dit, j'ai pas vu les gens être aussi contents, aussi réjouis qu'avec l'arrivée du messager, une réjouissance. La réjouissance qu'ils ont eue n'a pas eu d'égal au moment de l'arrivée du messager, alayhi salatu wassalam. Radiyallahu anhum wa ardahum. Fasma' li Umar wa huwa yuhaddithuka an hijratihi min Makkah ila al-Madina. Yaqulu radiyallahu anhu itta'adtu lamma aradna al-hijrata ila al-Madina. أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب أي ضرب من الشجر من أضاءة بني غفار فوق سرف واد من أودية مكة وقلنا أينا لا يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه قال أي عمر فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن فافتتن. Et écoute maintenant Omar ibn al-Khattab te parler comment il a fait sa hijra. Il dit, je me suis donné rendez-vous avec deux hommes, عياش بن أبي ربيعة Hisham ibn al-As ibn Wa'il Suhami. T'as entendu l'As ibn Wa'il Suhami, son fils maintenant, qui s'est converti, qui va faire la hijra avec Omar ibn al-Khattab. Ils se sont donné rendez-vous à un endroit dans des armes de Banu Ghaffar, à côté d'un point d'eau de Banu Ghaffar. Hein? Un fleuve, parmi les fleuves de Mecca. Ils se sont dit, au moment de se donner rendez-vous, celui qui n'arrive pas au petit matin ici, ça veut dire qu'il a été arrêté par les siens. Les deux qui sont là ou ceux qui sont là doivent partir. Et il a dit, le matin, moi j'étais là, et Ayyash était là. Hisham ibn al-As n'a pas été là. Et moi et Ayyash ibn Abi Rabi'a, nous sommes retrouvés au rendez-vous et Hisham ibn al-As ibn Wa'il a été arrêté. Ah, ils l'ont perturbé, il est tombé dans la perturbation. يقول عمر فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدم عليه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلموه وقال إن أمك قد نذرت ألا تمس رأسها مشط حتى تراك فرق لها. Et Omar ibn al-Khattab nous dit, quand ils sont rentrés à Médine, ils sont descendus chez Bani Amr ibn Auf à Quba. Et Abu Jahl ibn Hisham, il Harith ibn Hisham, sont sortis pour chercher Iyash ibn Abi Rabi'a, qui était le compagnon de Omar ibn al-Khattab. Parce qu'il était l'un de leurs cousins. Et il était le frère à leur mère. Et ils sont arrivés à Médine alors que le prophète alayhi salam était toujours à la Mecque. Ils lui ont parlé, ils lui ont dit, ta mère a fait un vœu qui va pas, que le pain ne va pas toucher ses cheveux jusqu'à ce qu'il te voit. Et il a eu un sentiment, il a eu un sentiment pour sa mère. Et il a eu pitié de cette situation, il voulait aller voir sa mère. فقلت له يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فقال أبر قسم أمي ولي هناك مال فآخذه. عمر بن الخطاب lui a dit, عياش fais attention par Allah, ils veulent te perturber à nous, ils veulent te perturber sur ta religion, fais attention à eux. Il dit tout simplement, je vais faire exaucer le vœu de ma mère et j'ai de l'argent là-bas, je le prends et je reviens. فقلت والله إنك لا تعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. عمر بن الخطاب lui a dit, sache, tu sais que je suis parmi les plus fortunés de Quraysh, je te donne la moitié de ma fortune et ne pars pas avec eux. فأبى علي إلا أن يخرج معهما. Et il a refusé, il a dit qu'il voulait partir avec eux pour voir sa mère. فلما أبى إلا ذلك قلت أما إذا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. Et comme il a vu qu'il était ferme, qu'il voulait aller revoir sa mère, et puisque tu as la ferme résolution, prends ma chamelle ici, elle est très forte. Ne descends pas de son dos. Et si tu vois qu'ils veulent te trahir ou quoi que ce soit, hein, tu mets la quatrième. Et tu te sauves. Ils ne pourront pas te rattraper. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل والله يا أخي لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه. Et il est sorti sur sa chamelle que lui a offert Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Et quand ils ont été au milieu du chemin, Abu Jahl lui a dit, oh par Allah mon frère, Ada, hein, j'ai fatigué mon chameau, prends-moi sur ta chamelle. Hein? Qala, bala. قال فأناخ وأناخ ليتحول عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقوه وربطوه ثم دخلا به مكة وفتنوه فافتتن. Et quand il a descendu, Abu Jahl a fait descendre son chameau, Ibn Iyash aussi a fait descendre son chameau. Quand ils sont partis, ils sont tombés dessus, ils l'ont enchaîné, ils l'ont amené, ils l'ont perturbé. قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن يفتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم. إيه عمر بن الخطاب يقول إيه أستفهم مولاه سديزي بغى الله. Allah n'acceptera rien de celui qui s'est fait perturber. Il n'acceptera pas de lui de repentir, ni rien du tout. Des gens qui ont connu Allah et après, avec la perturbation, avec l'épreuve, ils sont revenus à la mécréance. Et même eux-mêmes, ceux qui étaient perturbés à la Mecque, se disaient ceci. Et les autres à Médine le disaient aussi. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset concernant cela. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Et après, il y a eu la révélation de ce verset. Dit, ô mes serviteurs qui ont exagéré dans leur situation, qui ont exagéré sur eux-mêmes, ne désespérez pas de la clémence d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur, il est le clément. Revenez vers votre souverain, soumettez à votre souverain avant qu'il ne vous arrive le châtiment. Et dans ces cas-là, vous n'allez pas triompher. Suivez le meilleur de ce qui vous a été descendu de votre souverain avant qu'il ne vous arrive le châtiment par surprise et que vous ne le sentiez pas. قال عمر بن الخطاب فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال فقال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى واج بمكة وصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا ويقال فينا فرجعت قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يدير et j'ai écrit avec ma main ce verset, je l'ai envoyé à Hisham ibn al-As. Et Hisham dit, quand j'ai reçu le papier, j'ai commencé à monter dans les fleuves, de faire des allers-retours dans les fleuves de la Mecque, et à le lire, et à essayer de le comprendre, mais j'arrivais pas à le comprendre. Et après j'ai dit, oh Allah, fasse que je comprenne ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a jeté dans mon cœur comme quoi ce verset nous concerne, il est descendu nous concernant. Et concernant ce que nous disions sur nous-mêmes, que Allah il va pas nous pardonner, etc. Et qu'il concerne aussi ce que disaient les autres sur nous, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va rien accepter, il va pas accepter notre repentir. Et il dit à ce moment-là, quand cette interprétation s'est instaurée dans mon cœur, je suis revenu, j'ai pris ma chamelle, et j'ai couru vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Oulaïka sahbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oulaïka alladhina akhtarahum Allah subhanahu wa ta'ala li sohbati nabiyyi. فيجب علينا أن نعرف طريقهم ومواقفهم ونتبع منهجهم. Cela, frère, on Allah, Azzawajal, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la compagnie de son messager, alayhi salatu wa sallam. Il est de notre devoir de connaître leur position, de connaître leur voie, pour les imiter et les suivre sur cette voie. Fasa Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, arzuqna wa iyaakum husna l'ittiba'i lahum, arzuqna wa iyaakum attafaqwa fi d-din, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.